plaisir de recevoir Lou Marin. C'est la troisième fois qu'il vient au CIRA pour faire une conférence, parce qu'il y vient très souvent. Et ce qui est bien avec Lou Marin, c'est qu'il nous fait parcourir le monde. Il nous a déjà parlé de l'anarchisme en Allemagne, puis des mouvements non violents aux États-Unis. Et le sujet du jour, ça, il va nous faire voyager en Inde. Puisque nous sommes 60 ans après l'indépendance de l'Inde et bientôt 60 ans après l'assassinat de Gandhi. Donc Lou Marin, ça fait partie de la rédaction d'une revue qui s'appelle, je prononce très mal, Grassroots Revolution, qui est une revue anarchiste non violente. Donc la non-violence est un sujet d'intérêt, donc forcément il y avait des connexions avec ce qui se passe en Inde, sachant qu'il y a eu aussi des aspects libertaires en Inde, ce qui va nous expliquer. Et l'occasion de cette causerie, c'est la traduction en français d'un livre d'un auteur indien qui s'appelle Ashish Nandi. Et donc la traduction française est chez Fayard, et Lou Marin a traduit ce texte en allemand. Lou Marin est un traducteur de l'anglais à l'allemand ou d'autres langues à l'allemand. Donc nous avons 5 exemplaires de ce livre, donc j'espère que ce que va nous dire Lou va être passionnant et que vous allez vous ruer dessus à la fin, mais il n'y en aura que 5. Donc je laisse la parole à Lou. Bon. Merci pour l'invitation, merci d'être venu. Bon, c'est un sujet aujourd'hui dont je suis passionné depuis plus de 20 années. J'ai justement apporté mon premier essai sur Gandhi d'une interprétation libertaire, et c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Ça date de l'an 84. Et par hasard, c'est aussi la date de publication de l'original en anglais indien, le livre d'Ashish Nandi d'aujourd'hui. C'est paru en 84 et par coïncidence, c'était pas planifié. Et je connais même pas la traductrice, elle vient de l'université de Rennes, Annie Monton, mais en même temps on a pensé de traduire ce livre, alors apparemment elle a traduit de l'anglais en français, et moi je le traduis en allemand. Et bon, ça peut être une coïncidence, mais ça peut être aussi pas une coïncidence, parce que depuis la parution en 1984, ce livre est devenu une sorte de classique dans les études de post-colonial studies, les études de post-colonialisme, dont Ashish Nandi fut un des créateurs, on peut dire. Et moi, je dirais aussi, dans l'interprétation de Gandhi, ça est aussi déjà devenu un classique, parce que, par exemple, dans des nouveaux livres sur Gandhi, il y avait un chercheur américain, Joseph Alter, qui a écrit tout un livre sur la politique de corps de Gandhi. Il exprime dans la préface qu'il y a 3 classiques de l'interprétation de Gandhi, dont une Ashish Nandi, l'analyse dont on a ici, l'ennemi intime. Et des autres, ce sont des chercheurs aussi de l'États-Unis, des Rudolph. Ça, c'est du courant de Gandhi postmoderne, et aussi de Erika Erikson, qui est une étude, ça c'est la version allemande, j'ai pas la version, mais ça existe en français aussi, La vérité de Gandhi, qui est parue directement après 68, en 70, je pense. C'est qui est une étude socio-psychologique. Bon, je vais vous parler en 3 étapes. D'abord, une petite remarque personnelle sur la motivation de traduire ce livre. Puis, pour ceux qui ne savent pas un peu l'itinéraire de Gandhi, très très bref, l'itinéraire de Gandhi, parce que le livre de Ashish Nandi, c'est pas une biographie, c'est pas un conte de sa vie, c'est plutôt basé sur la connaissance. Et vous avez sûrement un peu du mal à comprendre ce qu'il veut dire si vous ne connaissez pas la vie de Gandhi, alors je vais le raconter bref. Puis je vais vous présenter un peu le livre, et puis je vais parler aussi un peu sur l'introduction que j'ai écrite pour la version allemande. C'est une histoire des interprétations libertaires de Gandhi, qui est mal connue. Et spécialement aussi ici en France, mais en Allemagne aussi. Mais la littérature anglophone a souvent interprété Gandhi comme libertaire et connaît peut-être Peter Marshall parce qu'il est venu parfois ici en France aussi pour des conférences. Et il a écrit, on peut dire, le livre le plus répandu dans une grande maison d'édition. En anglais, Demanding the Impossible, c'est une histoire de l'anarchisme jusqu'à des années 90. Et là, comme dans tous les livres des historiens sur l'anarchisme, il y a un chapitre sur des classiques, des anarchistes classiques, qui commencent comme toujours, qu'on connaisse, avec William Godwin, puis les classiques, les autres, mais le classique, le dernier, le plus récemment, est déjà Wanda's Gandhi, le Gentle Revolutionary. Alors là, d'une courant des historiens libertaires, il est déjà classé comme classique libertaire. Il y a un courant qui commence avec George Woodcock, qui a aussi écrit une biographie sur Gandhi, qui a déjà dans Anarchism, dans le dernier chapitre, sur les perspectives récemment de l'anarchisme, parlé sur Gandhi comme libertaire. Mais il y a aussi des noms comme Geoffrey Ostergaard, Melville Curel, qui sont dans ce courant, qui dans le monde anglophone ont une interprétation libertaire de Gandhi. Bon, pourquoi je suis tellement intéressé de traduire un livre de l'interprétation sur Gandhi? C'est pas une biographie, comme j'avais dit. Bon, pour moi, c'était aussi une partie de ma vie de militant dans les années 80. J'étais en Allemagne dans le mouvement contre les centres atomiques. Et on a eu une bataille contre un centre de récupération nucléaire comme à La Hague, c'était à Wackersdorf, et là il y avait beaucoup de luttes, et on a réussi à prévenir la construction de ce centre. C'est pour ça qu'il y a toujours des transports entre La Hague et des centres de déchets en Allemagne. Et à l'époque là, j'ai parmi des groupes non violents directs qui ont cassé des pylônes des centrales d'électricité et fait pas mal de dommages à des entreprises monopolisées d'électricité. Et là, à l'époque, on a eu une conception de réduire le niveau du société industrielle. Ça veut dire, moi j'étais influencé d'une part par les luddites, les destructeurs des machines, qui ont été décriés par Marx et des marxistes comme fausse idéologie. Et aussi j'étais influencé par la vision anti-industrielle de Gandhi. Et là, je dis, il y a toujours une scission, deux courants parmi l'anarchisme par rapport à la, la société industrielle ou du capitalisme industriel, là est en plus ou moins d'accord avec une industrialisation, et l'autre est à l'encontre une critique de la société industrielle plus ou moins dure. Et vous voyez ici un livre que j'avais déjà dans les années 80 de Ashish Nandi. Il s'appelle Science, hégémonie et violence. Et là, il y avait, c'est un rassemblage des essais. Un essai, c'est de Claude Alvarez, que je connais personnellement. On a eu des échanges, il me cite. Et lui, il a, sous la direction de Ashish Nandi, publié un livre sur science, colonialisme et violence, en vue ludite. Et il est à la fois un gandhien, un penseur gandhien. Alors là, j'ai trouvé un militant de l'Inde qui, d'une interprétation de Gandhi, est arrivé dans une vue ludite. Alors, un peu ludique pour ceux qui ne connaissent pas trop. Oui, c'était un mouvement en anglais en 19e siècle qui, à l'introduction des nouvelles générations des machines, ont détruit les machines et c'était critiqué par exemple par Marx dans Le Capital comme ils ne se sont pas dirigés vers le capitalisme et vers les capitalistes mais vers les machines, nouvelle génération de machines, et ça c'était une fausse conscience, ça c'était la critique de Marx. Mais tout ça, c'est bien décrit, par exemple, dans l'histoire du mouvement ouvrier en anglais de Edward P. Thompson, par exemple. Et ça, c'était un mouvement très, très fort. Alors, ça, c'est un peu mon histoire. Et je tiens aussi que toute interprétation radicale de Gandhi jusqu'à aujourd'hui a une côté de critique de l'industrialisation et de société industrielle. Et souvent une critique très élargie, ça veut dire qu'il s'agit aussi de livres de Ashish Nandi, d'une critique de modernité, des institutions de modernité. Et ça veut dire toutes les institutions nouvelles comme l'État, des technologies de dominance, la notion, qu'est-ce que c'est le progrès technique, et une critique de ça, c'est entièrement nommé une critique de société moderne, et ça contient toutes les choses comme ça. Et Gandhi, dans sa vie, il a déjà écrit cette critique de civilisation dans une œuvre très prématurée en 1909. Ça, c'est son livre phare pour toutes les interprétations radicales de Gandhi, Hind Swaraj, Libération de l'Inde. Ça, c'est un vieux exemplaire. Je vous donne pour un peu regarder sur le livre. Très vieux. Je prête, oui. Je laisse circuler. Et je m'excuse pour mon français, quelquefois, un peu fausse. Alors, bon, je vous donne un peu quelques stations de vie de Gandhi par rapport aussi des interprétations. Tout d'abord, il est venu de cette presqu'île ici, Katia Bar, il s'appelle, et à Pompandar, c'est la cité de naissance. Et c'était dans l'état aujourd'hui de Gujarat. Et cette région est importante parce que ce n'était pas justement la culture hindoue qui était là, mais aussi beaucoup des minorités de jainisme y étaient très répandues. Il y avait aussi de petites poches de bouddhisme qui ont influencé Gandhi. et son milieu familial. Et aussi, il y avait des musulmans, c'était déjà une forte présence des musulmans. Alors, il y a un milieu où il est grandi du syncrétisme qui était très répandu à cette lieu-là, où ils ont piqué quelques courants, quelques contenus de leur religion et le combiné avec des autres. Ça, c'était le milieu où il était grandi. Puis il y a une phase de l'étude à Londres, de 1888 jusqu'à 1893, où il a fait connaissance de pas mal des sociétés, des gens, où il a lu tous les scripts de Mahabharata, Ramayana, de l'Inde traditionnelle. Il a lu à Londres. Mais aussi, par exemple, George Woodcock raconte qu'en même temps, les articles de Kropotkin sur l'aide mutuelle sont parus dans des journaux. Il a lu, il était membre de sociétés végétariennes, et il y en a beaucoup, beaucoup plus d'influences. Aussi, fait reconnaissance avec, par exemple, Edward Carpenter, qui était aussi un critique de civilisation industrielle. Et on peut dire, entre 1894 jusqu'à 1915, il y a un séjour, avec quelques exceptions en Inde et à Londres, un séjour très longtemps en Afrique du Sud, où il a organisé la minorité indienne, plutôt musulmane, pour des droits égaux parmi encore dans le cadre du canon colonial anglais. Et il est un peu sorti de ce cadre justement quand il est revenu à l'Inde en 1915. Et il est resté en Inde comme figure primordiale du mouvement de l'indépendance de l'Inde entre 1916 jusqu'à 1947. Et il est exécuté assassiné par un intégriste hindou nationaliste en janvier 48. Bon, on peut dire, il y en a des interprétations de Gandhi, qu'il y a une évolution constamment de ses pensées politiques, alors être dans le cadre de le colonialisme encore en Afrique du Sud, pour donner des minorités des Indes des droits égaux, jusqu'aux révolutionnaires ou anticolonialistes qui veut chasser le règne et changer la société pour un Inde libre. Mais il y en a aussi un contre-courant dont j'appartiens plutôt, que dit que les bases de sa pensée, sa réflexion radicale est déjà fondée avec ce livre-là en 1909 de Hind Swaraj, et qu'il a un peu gardé autour de tous les décennies qui sont venues. Alors il y a un courant constamment de cette critique de l'industrie, de civilisation industrielle, de toute sa vie militante. Alors il y a des interprétations différentes sur ça. Bon. Ça suffit justement très très bref pour donner qu'une petite itinéraire de Gandhi. Et maintenant je veux un peu parler sur le livre d'Ashish Nandi. Il contient deux essais On peut dire que dans chacun des essais, il parle sur Gandhi justement dans le dernier tiers. Le premier tiers est sur l'idéologie culturelle et psychologique, on peut dire psychosociale, de colonialisme. Le deuxième tiers est toujours sur l'anticolonialisme, où il dit que cette sorte de l'anticolonialisme n'est pas sortie à jamais du cadre de pensée coloniale. Ça, c'était l'anticolonialisme avant Gandhi. Alors, je vais vous donner un peu les clés. Alors, c'est pas une œuvre économique sur la pénétration impérialiste économique de l'impérialisme britannique. C'est plutôt sur le régime, la conscience psychosociale des colonisés, mais aussi des colonisateurs et des sociétés respectives. Il dit, pour le colonialisme, il y a deux phases, on peut dire, il y a deux siècles de colonialisme en Inde, de colonialisme britannique. Le premier, il a commencé à 1757, et le premier siècle était, dit Gandhi, marqué encore. C'était aussi la compagnie, c'était une compagnie économique, East India Company, une compagnie de l'Inde Est, qui a eu le règne, qui ont commencé comme commerçants, et quand ils ont pris beaucoup plus de tâches administratives, et dès 1858, il y avait un changement de régime, et ça c'était le vrai Raj, ça veut dire le règne des royaumes. Compagnie des Indes orientales. Ah oui. Mm-hmm. Et bon, Anandi dit, entre les deux phases, il y a un changement de comportement des colonisateurs. Le premier siècle, il est encore un peu marqué par le respect des Européens, par la culture orientale, ça veut dire. Ils ont regardé avec respect, pas justement la philosophie, la culture indienne, mais aussi chinois, toutes les cultures orientales, avec respect d'une culture qu'on peut encore apprendre quelque chose pour l'Europe. Et la deuxième phase s'est marquée par un complet changement à l'inverse. Et ça veut dire qu'on se sent supérieur, on se sent des éducateurs, des dégradés et des colonisés qui ne sont pas vraiment capables de se lever d'un niveau d'organisation, de pensée, de tout ça, de culture des colonisés. Et il explique ça sur trois domaines. Il dit... Tout d'abord, il y avait un renforcement dans la culture britannique de domination de l'homme et de masculin sur la femme et le féminin. Le deuxième, c'est une dégradation de la culture des colonisés. Ça veut dire qu'ils sont perçus par des Anglais comme être irrationnels, infantiles, ça c'est important. Ils sont un peu réduits à des enfants. Ou sauvages, en tout cas, ils doivent être éduqués. Ils sont pas des vrais êtres humains, ils sont encore des enfants dont on doit éduquer, ou ils sont des sauvages dont on doit éduquer, ou plutôt civiliser. Et d'où vient l'idéologie coloniale qui est écrite ici dans le livre aussi par un grand littéraire, Rudyard Kipling par exemple. Il utilise beaucoup des exemples de l'art, de la littérature, et le fameux notion de Kipling, que les Britanniques sont ils portent le fardeau de l'homme blanc. Ça veut dire qu'ils ont la tâche civilisatrice d'éduquer les enfants colonisés. Et le troisième changement, c'est sur l'âge. C'est une dégradation de la sagesse des vieux qui sont regardés comme en Inde traditionnelle, les vieux sont regardés comme des porteurs de sagesse traditionnelle, alors ils sont une valeur. Et ils sont, dans cette idéologie coloniale, ils sont dévalorisés comme un peu. C'est aussi influencé par le christianisme qui dit que les jeunes hommes sont un peu le vrai image de Dieu puissante, et les vieux sont plutôt, ils incarnent plutôt la pêche. Et c'est aussi la pêche. Excuse-moi. Ouais. On peut en penser ici à Marseille, mais c'est pas vrai. Et ça va aussi avec les besoins d'être productive, de valoriser une productivité et de dévaloriser les vieux qui ne sont plus productifs. Et Nandi, il dit que ces changements de l'idéologie coloniale viennent jusqu'à la gauche occidentale. Et il dit aussi les célèbres exemples venant de Marx et de Freud, ça je veux lire un peu. L'innocence de l'enfance comme un prototype du communisme primitif a constitué une des contributions essentielles de Marx à la théorie du progrès, conceptualisée comme mouvement de la préhistoire à l'histoire et du communisme infantile ou inférieur au communisme adulte. L'Inde est toujours demeurée pour lui une contrée des, cite, petites communautés mi-barbares, mi-civilisées, cite, alors ce sont des citations de Marx, hein, qui, citation, réduisaient l'esprit humain aux limites les plus contraignantes, livrées ainsi sans défense aux superstitions, cite, et où les paysans vivaient, je cite, une vie sans dignité, stagnante et végétative, je cite. Aussi, citation, ces petites communautés, argumentait Marx, ont mis au point une adoration de la nature abrutissante, dégradation particulièrement manifeste quand on voit les hommes agenouillés et se prosterner devant Hanuman, c'est faux, il s'appelle Hanuman, le singe, et Sabala, la vache, citation. Il en suivait, selon Marx, que, citation, « quel que soit le crime de l'Angleterre, elle était l'outil inconscient de l'histoire. » Citation. « Pareille vision était vouée à contribuer en beauté, fût-ce sans le vouloir, à la vision du monde raciste et à l'ethnocentrisme qui sous-tendant le colonialisme. » Un rôle culturel analogue, bien que moins influent, revint à certains disciples de Freud dans les premiers temps qui s'intéressaient aux sociétés primitives pour poursuivre l'homologie entre primitivisme et infantilisme. Eux aussi élaboraient les implications psychologiques et culturelles du principe biologique en vertu de quoi l'ontogenèse récapitule la phylogenèse et développait l'idéologie de l'adulte mâle pleinement socialisé, ça veut dire normal. Alors, ça c'est son description de colonialisme. Maintenant, le deuxième chapitre, c'est la fausse anticolonialisme qui reste encore dans le cadre du colonialisme. Et il y a deux notions plus importantes de ça. C'est le militarisme où Kshatriya a été. Kshatriya, c'est la deuxième caste en Inde, la caste des guerriers. Et une religion organisée à l'inverse d'une religion inorganisée. Je lis un peu sur ce qu'il dit Nandi sur la kshatriyaïté. Ce qui fut crucial dans cette récupération des intellectuels indiens, c'est un processus bien connu de la psychoanalyse, celui de l'identification avec l'agresseur. Dans une situation d'oppression, un tel processus devenait l'inverse de la théorie du progrès et il se trouvait légitimé sur le plan ontogénique comme stratégie de défense du moi. C'est souvent ce qu'utilise un enfant normal dans un environnement de dépendance enfantine pour affronter l'inévitable domination d'adultes physiquement plus forts et jouissant d'une légitimité absolue. Dans la culture coloniale, l'identification à l'agresseur liait dominant et dominé en une dyade insécable. Le Raj, ça veut dire le gouvernement anglais, percevait les Indiens comme des crypto-barbares qui avaient besoin de se civiliser. Il percevait la règle britannique comme un agent de progrès et une mission. De nombreux Indiens, à leur tour, crurent trouver le salut en copiant les Britanniques, que ce soit dans l'amitié ou l'inimitié. S'ils n'ont pas forcément partagé la notion britannique des races martiales, les castes et sous-cultures indiennes superbement loyales, exhibant courage et hypervirilité, un miroir des stéréotypes sexuels de la classe moyenne britannique, ils ont bel et bien ressuscité l'idéologie latente de race martiale telle que la supportait la notion traditionnelle indienne de gouvernement et en fait un axe central. De nombreux mouvements réformistes indiens au XIXe siècle, qu'il s'agisse de réformes sociales, politiques ou religieuses, ainsi que divers mouvements littéraires et artistiques, ont tenté de faire de la kshatriyaïté la véritable interface entre dominant et dominé, nouvelle indicateur de l'indianité authentique à l'exclusion presque de tout autre trait. L'origine et la fonction de cette nouvelle instance sur les valeurs kshatriya sont particulièrement bien illustrées par le fait que, à l'inverse des idées répandues par les colporteurs de la psychologie colonialiste, la quête de l'indianité martiale a sous-tendu deux grands types de mouvements. D'un côté, la tendance collaboratrice dominante dans la société indienne, représentée par une majorité de petites princes féodaux, ça veut dire dans le cadre de colonialisme, comment ils ont gouverné, il y avait des poches qui sont délaissés, qui sont encore gouvernés par des maharajas, par des princes, mais qui collaborent, qui ont fait la collaboration avec le Raj. Et de l'autre, certaines des formes les plus impuissantes de révolte contre le colonialisme, comme le terrorisme du Bengal, du Maharashtra et du Punjab, mouvement infiniment courageux, mais inefficace, dirigé par la jeunesse urbaine de la classe moyenne semi-occidentalisée. De nombreux mouvements de protestation avant Gandhi ont été récupérés et avalisés par le changement culturel. Il visait à magnifier la virilité des Indiens en triomphant des Britanniques, souvent sur des enjeux sans espoir, afin de libérer une fois pour toutes les Indiens du souvenir historique de leur humiliante défaite dans la violence des jeux de pouvoir et de la réelle politique. Cela conféra une légitimité de second ordre à ce qui était déjà devenu dans la culture dominante de la colonie le critère distinctif ultime de la virilité, agression, réussite, contrôle, compétition et pouvoir. Alors, c'est une idéologie de productivité qui était introduite et qui est prise par des anticolonialistes de première génération. Et souvent, par exemple, soit dans le 19e et des premières décennies de 20e siècle, il y avait par exemple des écrivains, mais aussi de cette jeune génération des terroristes. Il y avait des assassinats contre des Britanniques, un peu des étudiants qui ont étudié à Londres, qui ont pris connaissance de la tradition, aussi de la propagande par le fait, et qui ont abattu des Britanniques. Et aussi par des princes qui ont collaboré avec le gouvernement colonial. Ils ont tous une perception de l'histoire comme il y avait longtemps, il y a des mille années, une règne des kshatriyas, des guerriers très forts, agressifs, disciplinés, bien organisés, et ils ont régné sur la terre de l'Inde, ce qui est mythe, mais c'est des mythes établis. Et puis, à l'encontre, dans la présence, on a aperçu une population indienne faible, pas guerrier, avec des notions données à des femmes, alors féminines, de faiblesse, tout ça. Et parce qu'il y a un comportement comme ça, on était occupé par les colonisateurs. Ça, c'était leur raison. On a perdu. Ça c'était la notion historique de première génération des anticolonialistes. Soit dans le niveau de culture, il y a des similarités dans la génération des jeunes étudiants terroristes et aussi des maharajas des princes. Il faut récupérer, réétablir en Inde les valeurs de kshatriya qui sont été perdues, et c'est pour ça qu'on était colonisés. Et ça c'était un peu ce qui est décrit par Nandi, la fausse anticolonialisme. Et il y a aussi une notion sur la religion qui est perçue aussi par cette génération de fausses anticolonialistes comme religion qu'il faudrait organiser. Et ils ont, sans le vraiment savoir, essayé de faire une sorte de l'hindouisme, et spécialement une sorte de monothéisme. Je vais lire ici aussi un peu. Ça, c'est sur un grand philosophe, Vivekananda, à son temps. C'est un des philosophes, on peut dire, de réforme de l'hindouisme au début du XXe siècle. Comment pouvait aussi le prévoir les éléments essentiels de leur hindouisme, de Vivekananda et des autres, étaient une fois de plus les suivants. Volonté de transformer l'hindouisme en une religion structurée, comportant un clergé, une église et des missionnaires organisés, acceptation du prosélytisme. L'hindouisme traditionnel connaît pas le prosélytisme. Et de la conscienciation religieuse. La notion de soudhi, qui est le prosélytisme, purification, bête noire des chrétiens et des musulmans indiens, représentait un élément sémitique introduit dans l'hindouisme du 19e siècle sous l'influence du christianisme occidental. Tentative d'introduire la notion de livre conforme aux croyances sémites. Ça veut dire, on voulait faire de... Il y avait beaucoup de textes religieux, même des épopées, des Ramayana, Mahabharata, mais beaucoup des autres, des Vedas, des Puranas, il y en a autant de textes, et on voulait faire une religion de livres. Ça veut dire choisir un livre comme livre clé. En l'occurrence, ce sont été soit les Vedas et la Gita, la Bhagavad Gita, qui est une partie de Mahabharata, pour Vivekananda. Acceptation de la notion d'histoire linéaire, objectif et causal. Acceptation des notions colorées du monothéisme. Et un certain puritanisme et ascétisme pragmatique emprunté en partie à l'Église catholique et en partie du calvinisme. Il dit à l'encontre de Gandhi, il était aussi certain que ce modèle allait mettre l'accent sur les changements psychologiques et institutionnels qui travaillaient l'hindouisme, contribuant à éradiquer les autres formes d'hindouisme critique qui mettaient en avant la primauté des changements politiques et cherchaient à combattre le colonialisme britannique en acceptant les hindous contemporains tels qu'ils étaient, comme le fit par exemple Gandhi plus tard en organisant les hindous comme indiens et non comme hindous, tout en reconnaissant à l'hindouisme le droit de garder son caractère inorganisé, anarchique, ouvert. Ça veut dire qu'il y a un hindouisme populaire plutôt situé dans plusieurs régions, dans des villages, et plutôt, c'est important, pas touché par le développement de colonialisme, qui sont plutôt dans les villes, dans les secteurs de la société occidentalisée ou semi-occidentalisée. Alors, les sections de l'hindouisme populaire, ils sont un peu, dit hybrides. Ils ne sont pas organisés, ils sont très différents, ils sont mélangés avec des dieux des dieux locaux. Et ce que veut faire cet anticolonialisme fausse, c'est avoir une religion de l'hindouisme bien structurée, comme un monothéisme avec un livre, et ça a la capacité dans leur pensée de vraiment contourner, de vraiment être égaux avec la religion monothéiste des colonisateurs. Ça veut dire le christianisme. Et ça, c'est très très intéressant parce que c'est jusqu'à nos jours l'enjeu entre l'hindouisme intégriste et la partie en pouvoir il y a quelques ans, qui voulait toujours un peu organiser, il voulait organiser, structurer, changer l'hindouisme. Et aussi introduire la notion de prosélytisme qui n'était pas à l'origine. Tandis que Gandhi voulait faire un anticolonialisme en tant qu'organiser les hindous tels qu'ils étaient, avec tout leur hybridisme, avec toute leur différentialité, avec toute leur... notion. Une côté dans le livre, Nandi dit que Gandhi a réussi à organiser les inorganisables. Alors, la vie comme ça. Alors, ça c'est ce qu'il dit, Nandi, l'anticolonialisme fausse, qui a jusqu'à nos jours aussi la base de l'idéologie des hindous nationalistes. C'est très important parce que c'est aussi un débat très, très actuel en Inde. Et le troisième parti, l'anticolonialisme de Gandhi, ça veut dire qu'il pense que c'est une relation de Gandhi avec des villageois, et spécialement des masses en Inde, qui ne vivent pas dans un secteur public qui est touché par occidentalisation, soit par des études en Inde, à Londres, ou des jeunes étudiants qui sont éduqués d'une sens occidental, mais plutôt par le vaste secteur de société qui n'était pas vraiment touché par le colonialisme. Ça, c'est la base de son anticolonialisme. Et je vais vous donner un schéma pour un peu exprimer c'est ce qu'il veut dire sur l'anticolonialisme. Le modèle de Marx, qui a une conception de déterminé par des stades objectifs. Ça veut dire on peut décrire, on peut critiquer la phase historique de colonialisme, mais dans un point de vue de dialectique historique, c'était quand même une phase inconsciemment nécessaire. Alors c'est l'histoire déterminée par des stades objectifs, lutte des classes. On est dans un stade objectif où le colonialisme est dans une phase quand même nécessaire. Et ceux qui contestent ça, ils font de fausses histoires appartenant à la fausse conscience, l'histoire comme idéologie. Et ça aboutit à une perception de la future à fin de l'histoire. Ça veut dire, c'est un communisme muré, adulte, sans classe, basé sur l'histoire scientifique. Ça, c'est cette conception de l'histoire. Et puis, il met à l'encontre de cette conception, la conception de Gandhi, qui a une conception de être en relation avec le conscience des masses qui n'ont pas été touchées par le colonialisme. Et pour eux, c'est une connaissance des mythes indiens qui sont toujours réinterprétés, réétablis, recréés, réracontés. Ce sont des mythes, des contes, des histoires qu'on connaît, mais la conscience des indigènes, ils ne savent pas est-ce que cette interprétation, par exemple, de la Mahabharata, est-ce que ça vient du 11e siècle ou du 17e siècle? Ils ont une passé comme cas particulier du présent. Ça veut dire l'interprétation de Mahabharata dominante, c'est le passé qu'ils connaissent et c'est à la fois le présent qu'ils connaissent. Et quand il y a une interprétation alternative qui prend le dessus, c'est le nouveau interprétation de la présent qu'on connaisse. Alors, on a des traditions différentes, mais on a aussi toujours une tradition hégémoniale. Et quand on s'appuie sur une tradition qui était peut-être oubliée ou qu'on ne connaissait pas, on a une présence fracturée avec une interprétation de l'histoire dominante et des autres supprimées, minoritaires ou comme ça. Et on recrée par l'interprétation de ces contes de Mahabharata, de Ramayana, des histoires que connaissent les gens, on recrée cette interprétation. Et ça veut dire que c'est une récréation du présent incluant le passé. Alors on a un nouveau passé. Et avec ça, Nandi veut dire que quand on a pensé toujours à la pensée indienne, on dit un point de vue occidental, c'est une pensée déterminée. Alors les gens, ils pensent que le futur, on ne peut pas vraiment influencer, c'est une déterminante du présent. Alors on a dit que c'est une pensée autoritaire. Et Nandi dit à l'inverse que la pensée indienne a toujours la capacité de réinterpréter les mythes, les contes, ça veut dire de réinterpréter le passé. Et c'est vrai que le futur est une déterminante du passé, mais puisqu'on peut toujours, à présent, en présent, on peut toujours réinterpréter le passé, cette nouvelle détermination est aussi une alternative à la détermination du futur d'auparavant. Et c'est pour ça qu'il a fait ce schéma-là, passé comme présent. Le futur est déterminé, c'est ce qu'on a dit, le fatalisme indien. Mais le présent peut être fracturé, on peut s'appuyer sur des différentes traductions, des différentes traditions, des différentes interprétations, et on fait un passé recréé. Et alors ça veut dire un nouveau passé et un nouveau futur alternatif. C'est déterminé, mais c'est tout à fait autre chose, c'est un nouveau fatalisme. Ça, c'est le pensée indienne. Alors, ça veut dire que Gandhi a combattu cette notion de révaloriser les valeurs de règne de Kshatriya. Et ça, c'était pas vraiment facile, parce que il y en a des traditions dans la culture indienne, de, par exemple, de non-violence, mais ce sont toujours des traditions très très très minoritaires, pas vraiment répandues. Le jainisme, c'était une religion complètement minoritaire. Le bouddhisme, c'était déjà sorti de l'Inde. Alors il faudrait chercher ces traditions dans l'hindouisme. Mais ça, c'était pas vraiment possible, parce qu'il n'y a pas de tradition de non-violence à l'hindouisme. Je vais vous citer une phrase de haine contre Gandhi d'un défendeur littéraire du colonialisme britannique indien, Meerutsi Chowdhury, qui met en œuvre toutes ces notions anti-gandhiennes. Je cite. Selon l'opinion générale, les hindous sont un peuple épris de paix et non-violente, croyance renforcée par le gandhisme. En réalité, il existe peu de communautés qui aient été aussi guerrières, aussi sanguinaires. Une petite trentaine de mots dans un édit d'Ashoka. Ashoka, c'était un roi dans le 3e siècle qui était tout d'abord guerrier, puis il a pris le bouddhisme et il a fini avec des guerres. On réussit à effacer presque entièrement les milliers de mots dans l'ensemble du corpus épigraphique et dans la totalité de la littérature sanscrite qui attestent de l'incorrigible militarisme des hindous. Leur histoire politique est faite de pages ensanglantées. Entre cette proclamation de la non-violence que rien n'imposait au 3e siècle avant Jésus-Christ et sa réaffirmation, trop souvent vaine par le Mahatma Gandhi au 20e siècle, il n'y a pas un mot de non-violence dans la théorie ou la pratique de politique par les hindous. Et ça, c'est vrai, parce que c'est aussi un peu comme ça que Gandhi a emprunté, c'est ce qu'il connaît sur l'action directe non-violence, par le Sermon du Mont, par Henri David Thoreau de l'Américain, par Tolstoy, mais pas vraiment des sources hindoues. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une théorie. Il ne s'appuyait pas sur des traditions hindoues non-violentes qui ne sont pas été là, mais il s'appuyait sur une tradition qui était là et qui était une tradition à l'encontre de la tradition Kshatriya et ses vertus, et c'était la tradition androgyne. Il y a des longues traditions androgynes en Inde. Quand vous faites une fois un voyage, vous voyez peut-être dans des sculptures, je vous donne quelques exemples dans l'internet. Il y a une longue tradition de l'androgynité dans des traditions hindoues. Ça, je vous donne. Il y a des sculptures, des traditions mi-homme, mi-femme, dont Gandhi s'appuyait. Et ça veut dire, et spécialement pour des hommes, que là, il y a une toute autre conception des valeurs qui comptent pour des hommes que des heures des valeurs de Kshatriya. Et il s'appuyait sur des traditions de l'androgynité, et aussi il y a aussi une tradition de qu'il s'appelle de féminité, dans les traditions, par exemple, de quelques courants hindous, des Vamachari, par exemple, où il y a une forte valorisation des femmes et où il y a une conception d'une énergie éternelle, cosmologie, il s'appelle Shakti. Et il s'appuyait aussi sur ces valeurs de Shakti que donne une forte puissance à des femmes. Et ça veut dire aussi à des valeurs de rester debout, de durabilité, de la puissance des femmes. Et il y avait aussi dans ces traditions une conception de maternité qui était très très active, qui n'a rien de passivité, mais qui est très très active. Et en s'appuyant sur ces traditions, il a conçu une alternative à cet anticolonialisme de guerrier. Et il a dit que ces valeurs d'androgynité sont déjà là dans l'Inde contemporaine. Et il faut faire un anticolonialisme avec ces valeurs. Et ça veut dire toute l'apparition, toute la phénoménologie de l'anticolonialisme de Gandhi et tout l'encontre qu'on connaît dans les mouvements libération nationale. On connaît des officiers de guerre qui font les salutations des soldats, mais il y a des réunis où il y a Gandhi autour, par exemple, beaucoup de femmes, où il y a une audience de beaucoup de femmes, et aussi cette phase de mouvement indépendiste était à la fois une phase de mouvement des femmes et le premier mouvement des femmes dans l'histoire de l'Inde. Cette mise en valeur de cette tradition oubliée, supprimée, mais quand même qui était là dans la conscience des masses, qui était à nouveau réinterprétée par Gandhi et mise en avant à l'encontre ou en combat des interprétations internes par Gandhi contre les valeurs de Kshatriya. C'est aussi la raison pourquoi il y en a beaucoup de femmes qui se sont activées dans les campagnes pour l'indépendance. Alors ça, c'est un peu la conception que décrit et qui est à la centre de la conception de Ashish Nandi, que Gandhi s'appuyait sur une tradition un peu supprimée, oubliée, de l'androgynité, qui n'était pas une tradition des guerriers, mais qui était là, dans la sous-conscience des masses dans les villages et qui n'étaient pas un peu touchés par le colonialisme et qui n'étaient pas vraiment connus par les colonisés. Ça veut dire aussi, il s'appelle cette conception d'une conception indigène, d'une conception de traditionnalisme critique et aussi d'une conception non moderne, parce qu'il s'appuyait sur le soutien des masses des Indiens qui ne sont pas été touchés. Et il s'appelle aussi ça une conception conscient-inconscient, parce qu'il s'appuyait sur des villageois qui n'ont pas une conscience de ce qui est la nation. Ils ont une conscience que Ça, c'est notre région naturelle où on vit, où on a tout, où on a tout ce qu'on a besoin pour vivre, et on fait avec. Et on n'a pas de connaissance de ce qui est une institution des États, une institution de la nation, une institution aussi des autres pays, une conception de ce qui est la Grande-Bretagne. Et il dit que il y a une relation aussi puissante entre Gandhi et ses masses, conscients, inconscients, conscients de leurs traditions, mais inconscients des traditions industrielles, des occupants, qui fait sur Gandhi, sur le médium ou l'outil de Gandhi, qui fait aussi alliance avec des traditions culturelles qui sont été supprimées dans le pays des colonisateurs. Parce qu'il dit que l'anticolonialisme, ce n'est pas justement la libération des supprimés, des colonisés, mais aussi il y a dans les consciences des colonisateurs une déthéorisation, une dégénération de ce qui est vraiment la culture britannique. Alors Gandhi dit que c'est cette culture de dominance de masculin sur le féminin, de dominance de l'adulte sur l'enfant, de dominance de mâle adulte sur la vieillesse, sur les vieux, c'est pas vraiment la culture britannique. C'est la culture coloniale qui se mit en œuvre et qui a pris là-dessus aussi dans la culture en Grande-Bretagne. Et c'est ce qu'il a dit aussi, c'est que cette conception de conscient-inconscient fait alliance avec des traditions culturelles opprimées en Grande-Bretagne. Et il dit par exemple des exemples, il dit par exemple la Bloomsbury Group, où il y avait aussi Virginia Woolf, qui était par exemple là, qui vivait une bisexualité. Et Nandi dit que par rapport à l'homme qui se libère de ses valeurs de guerrier, il faut aussi retrouver, redécouvrir ses valeurs de bisexualité psychologique de l'homme. Et c'est, par exemple, toutes les notions, toutes les apparitions de vêtements, par exemple, de Gandhi. Et ici, ça va jusqu'à des citations de Gandhi lui-même, où il dit que moi, je me sens ni homme, ni femme, qu'il incarne un peu cette tradition. Et avec ça, par exemple, Nandi dit qu'un autre alliant dans la culture britannique, c'est aussi Oscar Wilde. Oscar Wilde, il a aussi une critique où s'appuyait Ashish Nandi sur ça, une critique de l'histoire, d'une conception de l'histoire où on s'appuie sur ce qui est réel, ce qui est aussi nécessaire. Et Oscar Wilde a une critique de cette histoire. Il dit que je peux peut-être trouver. Oui, Wilde rejetait l'aphorisme de Matthew Arnold, qui était un dur colonialiste. L'objectif de la critique est de voir l'objet tel qu'il est réellement. Pour lui, pour Wilde, l'objectif de la critique est de voir l'objet tel qu'il n'est pas réellement. Et aussi, il cite Oscar Wilde, « Le seul devoir que nous ayons envers l'histoire est de la réécrire. Cela s'intègre dans un projet encore plus vaste. La seule obligation que nous devions à la nature, à la réalité ou au monde, c'est un devoir de récréation. » Alors, et avec ça, même quand Oscar Wilde, avec sa vie sexuelle et sa vie en Angleterre, est complètement à lien et pas comparable avec Gandhi, sur sa conception de l'histoire, il y a cette similarité. Et une autre tradition où Nandi propose, où il y a des alliances avec des traditions supprimées, c'est aussi le personnage de George Orwell, où il dit, souvent il décrit ces personnages avec leur itinéraire personnel, par exemple Orwell, où aussi il parle sur Kipling, où il y avait une partie de sa vie où ils ont grandi dans un environnement en Asie, c'est ce qu'ils ont vécu là, et puis ils ont été un peu jetés dans des contraintes de l'éducation en Angleterre, où ils se sentaient très très enfermés, très très disciplinés, et ils pouvaient vivre très mal cela. Et il y avait des réactions très différentes, par exemple par Rudyard Kipling, il ne voulait pas vraiment admettre que c'était une éducation contagieuse, et alors il a mis tout ce qu'il a vécu en Angleterre dans des écoles en dehors, et là c'était un peu la haine pour l'Inde, où il a vraiment travailler psychologiquement, c'est ce qu'il ne voulait pas vraiment dire ou admettre, c'est ce qu'il a vécu dans les institutions d'éducation en Angleterre. Mais le jeune Orwell, il a fait autrement, et ça je vais aussi un peu citer, il dit que il se sentait faible, bon, je cite, tout d'abord, Orwell grandit dans un univers essentiellement féminin qui lui renvoyait une image inférieure des hommes, dégoûtant et violent. Comme Kipling, il manifesta une prédilection précoce pour la vie de l'esprit. Comme Kipling, il vécut ce goût comme un handicap dans une école structurée autour des notions contradictoires d'ascétisme, de puritanisme sexuel, en particulier homosexuel, de dur labeur, d'esprit sportif et d'hypervirilité. Comme Kipling encore, Orwell était un garçon sensible et renfermé et, pour cette raison, impopulaire dans son école et tourmenté par ses camarades. Mais ce qui résulta de ces expériences fut très différent dans le cas d'Orwell. L'ambivalence quant au masculin dans son tout premier environnement le détourna d'opter pour la culture de l'hypervirilité qui régnait. Il demeura fondamentalement dans l'opposition à une vision du monde patriarcal. Et enfin, c'est à l'école qu'Orwell fit la découverte massive d'un principe qu'il lui fallut encore 20 ans, selon ses propres dires, pour se représenter pleinement, citation, « dans un monde gouverné par les forts, les faibles doivent briser les règles ou périr. Les faibles, revendiquerait-il par la suite, avaient le droit de se donner leurs propres règles, différentes. » Alors c'est une défense de la faiblesse. Et ça met aussi un lien entre Orwell et cette tradition de valoriser ce qui est dans l'action directe non violente de Gandhi, la force de la faiblesse de l'hindouisme tel qu'il est, ou des gens qu'il a, des contemporains en Inde qu'il a trouvés. Alors ça, c'est un peu le livre. Alors, maintenant, si vous avez encore un peu de patience, je vais vous, pour la fin, je vais vous expliquer un peu les courants les plus importants et le développement de l'héritage de Gandhi après sa mort. Je me concentrerai sur la tradition après sa mort parce que c'est vaste, c'est un vaste sujet et je peux vous donner un peu les grandes lignes. Mais il y a aussi un camarade qui fait des études sur l'interprétation et la réception de Gandhi dans des articles contemporains dans les années 20 et 30, dans des journaux anarchistes, et ça va être une autre œuvre, un nouveau livre qu'on a en plan de publier. Pour l'instant, je vais commencer avec le mort de Gandhi. Ashish Nandi, il a aussi écrit des articles sur l'assassin de Gandhi, qui était, comme j'avais dit, un hindou fondamentaliste. Et dans son discours en défense, devant la cour, Nathuram Godse, comme il s'appelle, il a revendiqué de sauvegarder la modernité de l'Inde avec son acte. Et il a décrit l'Inde moderne doit être un état central, ça veut dire pas séparé entre Pakistan ou un courant islamique et l'Inde, un état hindou. Il doit être un état fort, centraliste et moderne. Ça, c'est aussi la notion, jusqu'à nos jours, de l'hindouisme fondamentaliste. Ça, c'est très, très important de savoir, même aussi la plupart des courants de l'islamisme fondamentaliste, il y a cette notion d'être moderne dans le sens qu'on veut un état moderne, centraliste. Alors, Ashish Nandi, il a écrit des articles sur cette notion, et Nathuram Godse, il a décrié Gandhi comme un Sarathani, ça veut dire un traditionnaliste, un anti-industriel, et à la fin aussi un anti-nationaliste, parce qu'il n'est pas capable de bâtir ou de construire cet état centraliste, qui était pour eux naturellement dominé par des hindous, ça c'était clair. Alors, on reste un peu dans ce temps 48, début 48, parce qu'il y a aussi un vrai héritage de Gandhi. Quelques semaines avant cet assassinat, il a dit que après sa mort, il veut que le mouvement qui a abouti à l'indépendance de l'Inde, le mouvement de Indian National Congress, Congrès national de l'Inde, il a proposé de le dissoluer. Il voulait que ça ne devienne pas une partie normale. Alors ça, c'était son héritage. Et ça c'était clair pour tous les gens qui sont été prêts à devenir des politiciens normaux. Et en fait, Gandhi était le seul personnage dans tous les mouvements de libération nationale jusqu'à nos jours qui ne voulait pas devenir un président de l'État indépendant. Il n'a pas pris des fonctions. Il n'était même pas en 47 membre officiel. Il y avait des membres, des centaines de milliers de membres de congrès. Gandhi n'était pas membre de congrès. Il est sorti du Congrès en 1935. Et pourquoi il est sorti? C'était un peu sous-estimé, oublié par les historiens officiels, parce qu'ils ne voulaient pas en parler. C'était à l'issue d'un débat qu'il a eu avec l'anarchiste hollandais Bart De Ligt, qui a eu un débat avec lui en plusieurs lettres dans les années 28, 29, 30. Et Gandhi, dans son voyage en 31 pour les premières négociations sur l'indépendance à Londres en 31, il a aussi fait des visites à Genève où il a rencontré Bart De Ligt personnellement. Et il y a, ça c'est aussi intéressant pour Ashish Nandi, parce qu'il le compare aussi plus tard, ça sera moi, je vais en parler plus tard. Il a aussi rencontré Charlie Chaplin. Je veux vous parler plus tard. Bon, tout d'abord avec la rencontre de Bart De Ligt. Il s'agit d'une contradiction que Bart De Ligt a dit à Gandhi, que Gandhi était le représentant de mouvements indépendistes, et en tant que cet représentant, il a aussi exigé dans ses négociations d'avoir pour l'Inde indépendante une armée, alors une institution d'État. Et ça, c'était critiqué par Bart De Ligt. Et Gandhi se défendait dans cet échange de lettres qui est paru entièrement en allemand. En allemand, à Berlin, il y a un centre d'information sur Gandhi qui a publié toutes ces lettres. Et Bart De Ligt raconte aussi cet échange de lettres dans un livre, Conquest of Violence, dans un chapitre, je peux vous donner. Et Gandhi se défendait avec qu'il a dit que dans le mouvement de l'indépendance, de Congrès, il n'était jamais le seul courant, il n'était jamais complètement majoritaire. C'est ce qu'il pourrait attendre, c'est le consensus d'un mouvement qu'on veut attendre l'indépendance avec les moyens de l'action non violente directe. Mais ça ne veut pas dire que tous les courants indépendistes sont d'accord avec une société libre, sans armée, et une société gouvernée par des conseils des villages. Ça, c'est une autre vision. Et en fait, sur cette vision, il a rompu avec le premier ministre, Jawaharlal Nehru, en 46. En 46, Gandhi et Nehru sont... il y avait un débat et ils se sont rompus sur cette question. Alors ça, c'était la défense de Gandhi. Gandhi a dit que je ne veux jamais une armée, mais je pense que quand on obtient l'indépendance par voie de l'action directe non violente, ça sera tellement convaincu que j'espère que je peux convaincre les autres courants qu'il n'y a pas la nécessité d'avoir des institutions comme on nommait. Ça, c'était le contenu de ce débat. Mais dans les années 30, Gandhi a perdu un peu l'espoir de convaincre les autres courants. Alors, il s'appuyait plutôt sur ces groupes d'action non violente directe, sur son mouvement qu'il a créé, le mouvement Sarvodaya, et il est sorti officiellement de mouvement de congrès. Il est resté comme conseillère, on peut dire, mais il a officiellement sorti de ses rangs. Et dans, en 1946, il y a cette rompue avec Nehru. Alors, il y avait, après sa mort, il y avait un courant officiel de Nehru qui a dit que Gandhi, c'est notre père de nation, et tout ça, c'était l'idéologie officielle, mais de Nehru, c'était aussi une Inde moderne, avec une conception de l'industrialisation, avec la concentration sur le développement des villes et pas des villages, et à l'encontre de Gandhi. Et aussi, Nehru, dans ce débat en 1946, il a dit que votre œuvre, Hind Swaraj, c'est un vieux truc, l'anti-industrialisme, c'est pas moderne, et ça c'était le contenu de leur débat. Alors il y a un vrai clivage entre Gandhi et Nehru, et jusque-là, Gandhi a soutenu Nehru. Bon, alors il y avait une partie de l'interprétation de Gandhi qui a suivi de cette notion de dissoluer le Congrès et de ne pas continuer avec une partie au pouvoir. Et alors commence l'histoire de mouvements, des groupes de base, Sarvodaya, des groupes de l'action non violente, qui s'appuyaient sur des soi-disant ashrams. Ça veut dire que ce sont un peu des communautés de base. Et là, dans les années 50, ils sont tentés de disséminer, de partager la terre. Et ils ont eu des deux grands personnages. L'un, il s'appelait Vinoba Bhave, et des autres, des gens qu'on, dans le mouvement ici, anarchisme, on connaît bien. Par exemple, André Bernard, qui a fait le journal Anarchisme et non-violence, jusqu'à nos jours, il était dans la rédaction de Monde Libertaire. Il était à une phase formateur de lui, très influencé par Vinoba Bhave. Et Vinoba Bhave a inauguré un mouvement, il s'appelle le don de la terre. Et ils ont fait des pèlerinages, on peut dire, à des propriétaires de grandes surfaces, et ils ont dit que on reste là jusqu'à vous nous donnons une partie de la terre. Et dans l'histoire des Gandhiens, ça c'était perçu comme grand succès. Et il y a aussi, par exemple, dans l'interprétation libertaire des œuvres de Geoffrey Ostergaard, Non-violent révolution en Inde, je peux vous le donner. Et aussi, il y a des études très élaborées de Geoffrey Ostergaard et Melville Curel, vous voyez, le Gentle Anarchist, ah, oui, c'est sur cet mouvement-là. Alors, si c'est pas trop lourd, je vous... Et moi, je pense qu'il y a aussi un courant très très critique des Gandhiens. Ils pensent que c'était un échec décisif, parce que les propriétaires n'ont pas vraiment donné. Ils ont donné quelque chose, mais c'était pas fertile, chose comme ça, et c'était pas beaucoup. Alors c'est, à mon avis, c'est très important pour le développement du mouvement gandhien, c'était un échec. Alors, et il y avait aussi des problèmes avec Vinoba Bhave. Il a eu une conception de résistance non-violente, où il a un peu réduit la notion de contrainte qui est dans la conception de Gandhi de la résistance non-violente. Ça veut dire, quand on fait une grève ou un boycott, c'est évident que l'adversaire est d'une certaine manière content de réagir quand il a fait un boycott de tissus, de vêtements venant de l'anglais. C'est une contrainte économique. Et Vinoba Bhave, il a dit que ça c'est déjà de la violence et alors on ne fait pas de contrainte. Et ça réduit sa conception de résistance non violente presque à une conception de convaincre. Et ça c'était devenu un échec. Et aussi, il y avait dans le règne, dans le gouvernement d'Indira Gandhi, qui par ailleurs n'a rien à voir avec Gandhi de son nom, c'était son mari qui s'appelait aussi Gandhi. Elle a fait un état d'urgence en 75 jusqu'à 77. Et là, Vinoba Bhave, à cause de connaissances de l'époque de l'indépendance, le mouvement indépendiste, elle ne voulait pas faire une campagne contestataire contre Indira Gandhi et son état d'émergence. Et ça, c'était l'échec complet de son courant de l'interprétation de Gandhi. Mais il y avait un relève de mouvement aussi parce qu'il y avait venu d'une partie socialiste qui n'existe guère pas aujourd'hui, mais à l'époque, dans les années 50, il y avait aussi une partie socialiste qui était dirigée par Ram Mohan Lohia. Et Lohia, il était devenu une sorte de Gandhien militant qui a dit que, qui a affiché ou proposé ou propagé que tous les socialistes désormais doivent lutter qu'avec des moyens non violents. Mais il restait dans le cadre d'une partie, de la partie socialiste. Et un autre militant, Joy Prakash Narayan, il est sorti de ce cadre de parti socialiste et il a pris le relève de mouvement Sarvodaya en éclat. Et ça fut le mouvement Bihar, avec des grèves, des grands mouvements de boycott des institutions, des parlements, aussi en Gujarat et en Bihar, et ça aboutit à cette prise d'émergence. Ça, c'était la dernière grande réussite de mouvement des Gandhiens en Inde, parce que bon, il y a chez Joy Prakash Narayan, d'abord dans le mouvement de masse en 74-75, il y a une conception de démocratie sans parti. Alors il est sorti de la partie de socialiste et il a eu une conception qu'on doit se gouverner eux-mêmes avec des soi-disant panchayats. Ce sont des conseils des villageois venus d'une tradition d'une vieille conception de autogestion des villages où il y avait une conseil de 5 personnes, panch, ça veut dire 5, une conseil de 5 personnes, mais qui sont été un peu des sages, des mérités. Et alors il a renouvelé, on peut dire, mis à l'œuvre à nouveau cette conception où il y avait pas justement 5, plusieurs, il y a la moitié des élus sont des femmes, et ça c'était un conseil élu par tous les villageois. Alors il voulait faire ça c'était une conception, il s'appelle démocratie sans parti. Mais à l'encontre de cette conception, après l'état d'urgence pris par Indira Gandhi, Joy Prakash Narayan a forgé une grande coalition de tous les autres partis contre le parti Congrès pour avoir une possibilité de chuter Indira Gandhi après les premières élections après l'état d'urgence. C'était en 77. Et il a réussi d'une façon, et ainsi il a évité une dictature militaire qui était possible à l'époque. Mais à l'autre côté, il a un peu trahi sa conception de démocratie sans parti. Alors ça, c'était la première phase de l'interprétation de Gandhi en Inde. Deux mots aussi sur l'interprétation internationale dans les années 50 et 60. Dans les années 50, spécialement, il y avait une grande vague des Noirs qui sont venus par visite et par connaissance des mouvements gandhiennes en Inde, dans le mouvement Sarvodaya. Ils ont visité Vinoba Bhave et les militants. Ils voulaient un peu apprendre ces moyens d'action directe pour les emprunter et mis en œuvre, par exemple, et c'était aussi le cas, dans l'États-Unis du Sud, et c'était la naissance du mouvement des Noirs. Et ça, c'était très, très direct. Par exemple, Ram Mohan Lohia, dont j'ai parlé justement, qui restait dans la partie, mais qui était aussi un militant non-violent, il a visité les États-Unis et il était dans une école des Noirs, Highlander. La première femme qui a déclenché le mouvement de boycott de bus à Montgomery en 57. Alors c'était pas une vieille femme qui était un peu, qu'on peut dire, qui ne voulait plus aller, voulait rester dans les sièges de bus. C'était une militante qui a appris des moyens pour une campagne de désobéissance civile. Ouais. Bon, je vais justement un peu dire les courants qui ont suivi et puis je conclue. Et il y avait aussi une réception de ces contenus de mouvements gandhiens en Afrique. En Afrique, spécialement, on peut dire jusqu'à 58, jusqu'à 60. Il y avait une forte réception, une forte interprétation de mouvements gandhiens dans le mouvement de libération nationale. Et spécialement, il y avait Kwame Nkrumah en Ghana, qui était un étudiant de moyens gandhiens, et aussi Kenneth Kaunda à Zambia. Mais quand ils ont été devenus des chefs de l'État, ils ont complètement oublié ces traditions. Et, par exemple, ils ont très très vite fait une règne de une partie. Ils ont créé une gouvernement typiquement africaine de une partie. Et ils ont un parti unique. Et ils ont interdit tous les autres partis qui n'est pas complètement un contenu anti-gandhien. Bon, et après cet mouvement dans le cadre de Sarvodaya qui aboutit à Jayaprakash Narayan et à la chute de Indira Gandhi dans les années 80, il y a un renouvelage de toutes les traditions gandhiennes en Inde, mais en dehors du cadre des organisations gandhiennes. C'était ne plus une organisation de Sarvodaya qui était mise en œuvre encore par Gandhi, mais ce sont des nouveaux mouvements écologiques écologiste, mouvement des femmes, des chipkos, de sauvegarder les forêts, par exemple, d'où on vient Vandana Shiva, par exemple, les mouvements contre les barrages, grandes barrages des fleuves, par exemple, le mouvement de Narmada, où il y avait une femme qui... elle s'appelle Medha Patkar, qui a utilisé la façon traditionnelle de Gangi, qui est de marche de sel, qui est allée d'un village à l'autre sur un mois. Et là, elle a aussi utilisé cette démarche. Elle a visité chaque village auprès de la fleuve pour prévenir les gens de plans de grandes barrages. Et elle a déclenché le mouvement de sauvegarder le Narmada. Et aussi en 84, où il y a l'an où l'œuvre de Ashish Nandi était publiée, il y avait aussi le grand événement de l'accident chimique à Bhopal, où il y avait un grand déclenchement de mouvement écologiste qui reste jusqu'à nos jours et qui était aussi abouti à la grande réunion des altermondialistes à Bombay en 2004. Bon, j'arrête ici. J'ai encore beaucoup à dire, mais ça suffit un peu pour vous donner un peu sur les courants différents. Et avec cette nouvelle naissance des mouvements, il y avait aussi une préoccupation des intellectuels par rapport à des mouvements sociaux qui sont nés. Et Ashish Nandi, avec des autres, fait partie de ces intellectuels qui ont tenté de soutenir ces mouvements sociaux avec une conception de ce qui est l'anticolonialisme gandhien et ce qui est un anticolonialisme qu'ils ont dit que qui est faux parce qu'il reste aussi encore dans le cadre de l'idéologie et de la pensée coloniale. Bon, merci pour Je te remercie, le sujet effectivement est très vaste et puis surtout pour les publics francophones peut-être assez méconnus parce qu'on a peut-être pas mal de... il y a pas mal de biographies de Gandhi qui ont été éditées et je pense que l'aspect libertaire souvent est passé sous silence et on en fait, oui, le père du nationalisme indien, ce que tu as montré qui n'était pas vrai. Donc on va vous laisser la parole pour plus de commodité. Quand si vous voulez intervenir, vous me le dites. Et puis je vous donne la parole l'un et l'une après l'autre. Donc Claire, qui peut commencer. Oui, après oui. Alors si je comprends bien, tu nous décortiques un Gandhi qui est l'envers de son portrait officiel. Et tu nous apprends qu'il a puisé dans le corpus autochtone de tous les groupuscules minoritaires de l'Inde au cours de toute son histoire, y compris la colonisation aryenne, hein, pour s'appuyer sur toutes les valeurs qui restent vivaces jusqu'à aujourd'hui en Inde, aussi bien de féminité que de dispersion, etc., de polythéisme, si on peut appeler ça comme ça pour l'un, c'est pas tout à fait exact, mais bon, etc. Et ça, c'est le contraire total du portrait officiel de Gandhi. Et puis après, plus précieux encore, il nous apprend la postérité de ce mouvement-là réel du gandhisme dans les mouvements anarchistes. Et c'est le lien même direct de lui avec des anarchistes. Jamais entendu parler de ça. Première nouvelle. Alors félicitations. La parole. Ouais, tu peux en répondre à plusieurs, allez-y. Moi, je ne peux pas vous choquer, mais je peux dire des choses qui vont vous choquer, mais c'est pas mon intention. D'abord, je dois dire que quand j'ai vu en bas la boîte aux lettres anarchie, je me suis trompée, c'est pas possible. Puis un monsieur qui m'a crié, c'est au second. Je ne m'attendais pas du tout à être là. Et je m'intéresse à Gandhi depuis plus de 30 ans, donc je connais un petit peu. J'ai eu la chance d'aller en Inde, dans entre autres les sociétés culturelles. J'ai vu tout ce que j'ai pu trouver sur lui. Alors, je suis désolée, mais je dis ce que je pense, après tout, on n'est pas obligé d'être... C'est une grande nouvelle, hein. Pour moi, Gandhi est tout sauf anarchiste. C'est pour ça que je n'ai pas compris que vous puissiez parler de Gandhi. Parce que là, vous avez un drapeau, la première chose, c'est ni Dieu. Non, hein. Pour moi, Gandhi est quelqu'un de profondément croyant. Et je le pense sincèrement, profondément croyant. Donc déjà, là, comme je pense que les gens croyants qui le sont profondément, c'est déjà les trois quarts de leur vie. On élimine les trois quarts de sa vie en disant qu'il est anarchiste alors qu'il est pas croyant. J'ai fait deux, trois choses. Il est contre la dépendance économique. Mais moi, je connais plein de gens qui sont contre la dépendance économique. Moi, en premier, je ne me sens pas du tout anarchiste pour autant. Je suis aussi anticolonialiste à fond depuis toujours. Mais je ne me sens pas du tout anarchiste pour autant. Je ne dis pas que c'est pas bien d'être anarchiste, c'est pas ça. Je pense simplement qu'il œuvre pour l'égalité des droits. Mais ça, c'est, pour moi, ce n'est pas la définition d'anarchie. Quand vous dites que les Anglais trouvent les Indiens comme des sauvages qui doivent être éduqués, c'est peut-être leur façon d'expliquer pourquoi ils sont là. Mais je pense que si on remonte trois siècles en arrière, n'importe quel paysan français, il était complètement sauvage et non éduqué. En Angleterre, je pense que c'était encore pire. En Russie, c'était pareil. C'est-à-dire tous les gens pauvres qui ne reçoivent pas d'éducation, à mon avis, peuvent donner cette impression. Alors c'est très pratique en tant que colonialiste de dire, comme ils sont comme ça, nous on a la charge de les élever. Je trouve que c'est une utilisation vraiment facile. De dire on va économiser parce qu'on va les aider. Hein. Je pense que du temps de Dickens, ils auraient déjà mieux fait de s'occuper de leurs propres enfants anglais. C'est facile à dire pour moi. Quoi. Donc, je ne vois pas ce qu'on veut avoir là-dedans. Et Marx, dont je vais parler de Marx à un moment, il laisserait croire qu'on ne peut pas être développé et croyant en même temps. Alors, je ne veux pas accaparer la soirée, mais moi je pourrais parler pendant 10 heures. Que l'on peut être très développé intellectuellement à un niveau de connaissance et être en même temps très croyant. Pour moi, ce n'est pas du tout des choses antinomiques. Et Marx a dit ça, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus avec Marx. Je suis désolée, je vais dire plein de choses et je ne suis pas d'accord, mais après tout, c'est très intéressant. Très intéressant. Alors, justement, parce que Marx, il est, je crois, allemand. Alors, s'il y en a justement, ils étaient peut-être eux. Du temps aussi, quand on remonte aux paysans allemands, ils étaient complètement colonisés, entre guillemets, par les nobles allemands, mais ils n'avaient non plus aucune culture ni rien du tout, les pauvres paysans. Je vois pas ce que Gandhi vient faire avec sur l'anarchisme. Il y a un pont qui me manque. Pour moi, tous les enfants qui sont sauvages et sans éducation, c'est parce qu'ils sont pauvres, tout simplement. C'est pas autre chose. Hein. Voilà. Alors, les Maharajas qui ont collaboré, ben on sait bien pourquoi, hein, c'est parce que ça leur donnait du pouvoir et des richesses. Les Maharajas n'existaient pas avant les Indiens. Hein. C'est les Indiens qui leur ont donné ce pouvoir et puis les richesses. Et puis, ça se sent pris quand même. Hein. Oui, non, mais je veux dire que tout ça, c'est une question de fric, quoi. Mais ça, vous voyez dans le monde entier aujourd'hui, dans d'autres domaines, dans le monde entier, les gens sont prêts à céder des choses. Ils sont vraiment pas belles pour la population, juste le pouvoir et l'argent. Et alors, la phrase que j'ai aimée, c'est qu'on dit Gandhi dit organisé, mais c'est inorganisable. Parce que, à mon avis, c'était quelqu'un qui avait un respect profond des gens et de la diversité culturelle et religieuse. Parce que c'est vrai que s'il y a un pays où il y a plein de croyances, c'est bien l'Inde. On parle toujours de l'hindouisme, mais alors il y a des milliers de sous-groupes, quoi. Donc c'est très intéressant. Moi, je pense au contraire que l'Inde n'est pas déterminée, parce qu'à un moment, on a parlé de non-détermination. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'Inde explose. par l'arrivée des femmes qui font plein de métiers et l'arrivée, elle explose au niveau économique. Il y a encore beaucoup de pauvres, enfin il y a un changement au niveau de l'âge qui est phénoménal à ce moment. Ça veut dire que ce n'était pas un déterminisme. Ça veut dire, je pense que la majorité des gens qui étaient paumés et pauvres, ils n'avaient pas la notion effectivement de leur position dans leur pays, dans le monde. Et tout ça, c'est une question d'éducation. Oui, on est d'accord. J'ai juste encore deux lignes et j'arrête. Oui, la notion de nation, duo, pour moi, elle est due au manque de culture. Ça, c'est pareil, ça revient toujours à la culture à la bourbonnaise. Hein? Et puis un petit crochet au niveau de quand vous avez parlé de je me sens ni homme ni femme, je tiens quand même à préciser, si jamais des gens ne le savaient pas, que à cause de ses idées profondément spirituelles et de son intellect, assez tôt dans sa vie, Gandhi a décidé de ne plus avoir de sexualité. Donc peut-être que ça peut amener aussi d'autres idées sur cette façon en femme. Bon, enfin, j'ai peut-être dit des choses sociales, donc je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai pris des notes. Voilà. Il y a Claire qui s'en vient, elle va nous dire. Si tu veux, tu peux reprendre d'abord et puis je. Ça n'a aucun rapport avec ce que a dit madame. Je voulais dire que le schéma de ton auteur, que tu nous as préparé, je n'ai pas encore retenu son nom, sur l'histoire, c'est très très très intéressant. Comme en tant qu'historienne, ça m'a tout de suite rappelé le discours de Dakar. Il y a un intellectuel africain de Sarkozy. Il y a un intellectuel africain qui a analysé le discours de Dakar de Sarkozy. Et tu sais d'où il sort ce discours de Dakar? De Hegel. Le colonisé est un grand enfant. De Hegel. Donc madame, vous ressortiez Marx. Ici, personne n'est intéressé par Marx. Oui, oui. Non, voilà. J'arrive, je n'ai pas la peine de... J'ai peut-être fait des gaffes, mais j'ai dit... Non, excusez-moi, je n'ai pas fait de gaffes, mais c'est pas vous dire choquer, ici, mais... Marx n'intéresse absolument personne, c'est justement ça l'anarchisme. Donc j'ai pas contre le rapport à l'anarchisme, c'est ça qui me manque. J'aimerais partir. Tu parles pour toi. Donc c'est pour te dire, est-ce que je peux... Oui, tu termines. Après, on donne la parole à... Donc, en tant qu'historienne, la grande distinction qu'il fait entre l'histoire comme idéologie, qui mythifie, et l'histoire comme pratique, ça, dans notre métier, on le voit tous les jours. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde. Prends Clovis et le vase de Soissons. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde pour ça. Hein? C'est un rapport perpétuel de conflit entre l'historien et le militant. Ça urge. Oui, alors, ce que vous avez dit, que vous n'avez jamais entendu que d'une notion de l'anarchisme avec Gandhi, ça ne m'étonne pas. Mais pourtant, il se dit être anarchiste à plusieurs... Je vais vous expliquer. Plusieurs exemples. Par exemple, dans cette œuvre que j'ai mentionnée, Hind Swaraj, il a eu une critique de la civilisation qui comprend, par exemple, qui aboutit à dire des autres courants d'anticolonialisme indien qu'ils ont une notion ou une conception de l'anticolonialisme qui veulent avoir, c'est ce qu'il dit, les mêmes institutions que les Anglais. L'État, une sorte d'industrialisation, choses comme ça, de justice, il critique par exemple la justice, il critique les institutions de médecins, mais aussi les institutions de l'État. Et il dit que votre anticolonialisme, c'est vouloir les institutions anglaises sans les Anglais. Et il dit aussi, c'est la nature du tigre sans le tigre. Et c'est la même. Alors, on peut aussi dire que il y avait un réussite de Gandhi à en finir avec la colonisation politique officielle, mais il y a aussi un échec de Gandhi par rapport à ses buts racontés dans cette œuvre-là. Et il dit qu'il ne faut pas chasser les Anglais en tant que personnes de l'Inde. Ça, ce n'est pas son anticolonialisme. Son anticolonialisme, c'est chasser les institutions qu'ils ont créées et apportées à l'Inde. Ça, il faut détruire. Et ça, c'est une notion anticoloniale qui est complètement différente de tous les leaders et tous les théoriciens des mouvements de libération nationale. Et il a dit aussi, quand il est revenu de l'Afrique du Sud à l'Inde en 1916, il y avait un discours fameux à l'inauguration de la première université à l'Inde à Benares. Il a dit que ça, c'était à l'époque où il a été en débat avec des étudiants qui ont fait des attentats contre les Britanniques. Et là, il a dit, moi aussi, je suis anarchiste, mais d'une autre façon. Par exemple, il s'appelle... Il a lui-même dit que je suis anarchiste, mais d'une autre façon. Ça veut dire d'une façon non violente. C'est quoi être anarchiste? Et par exemple, je peux vous citer des choses plus tard. C'était raconté par une chercheuse américaine dans une conversation reportée par son secrétaire Mahadev Desai. Gandhi affirme que, citation, une société organisée sur la base de complète non-violence, ça serait l'anarchie pure. Citation. Et quand on a lui posé la question s'il considère que ça sera un idéal réalisable, il répond, citation, oui, il est réalisable dans la mesure la non-violence est réalisable. Cet état est parfait et non-violent où il y a des gens qui sont été gouvernés le moins. L'approche, on est plus proche de cette anarchie pure dans une démocratie basée dans la non-violence. Mais les démocraties européennes, à mon avis, sont la négation de la démocratie. Citation fin. Ça, c'est 1940. Les Bushmen sont anarchistes. Oui. Alors, oui, c'est. Bon, la culture officielle ne veut pas en parler et ne pas citer. C'est aussi une notion de la non-violence qu'il a dit. Il y a plusieurs citations de lui là-dessus, où il a dit que l'État, c'est la forme de violence la plus concentrée. C'est aussi... Je pense que chaque anarchiste peut souligner ça. Et une autre réponse sur la notion de religion. Il y en a deux réponses. Dans ces communautés qu'il a fondées, les ashrams, il y avait des communautés complètement interreligieuses. Il y avait déjà en Afrique du Sud et puis en Inde des juifs, des hindous, des musulmans, des bouddhistes et aussi des athées. Quand il a renversé un truc qui est très très central pour l'hindouisme, ça veut dire Dieu c'est la vérité, renversé à la vérité c'est Dieu. Ça veut dire que chaque personne qui cherche sérieusement, vraiment, avec tout ce qu'il peut, dans un vie militant, la vérité, en tant que chercheur de vérité, il cherche Dieu. Et il a dit aussi, quand un athée cherche la vérité profondément dans sa vie, il est incorporé par lui aussi un chercheur de Dieu, même quand il ne croit pas en Dieu. Et pour ce raisonnement, il a pris des athées dans ses communautés. À l'inverse, par exemple, de certaines pratiquées comme l'Ansa del Vasto ici en France, qui n'ont pas pris des athées dans leur communauté à l'archer. C'est pas Gandhien. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre avec Gandhi. Il s'appelle Gora. Gora, il a fondé, après son expérience avec Gandhi, un centre gandhien. C'est le centre des athéistes à Vijayawada. Et cette année, à Vijayawada, il y avait, en 2007, le congrès du monde des athéistes. Là, c'était fondé par un gandhien athée. Alors, c'était possible pour Gandhi, même qu'il restait quelqu'un qui a utilisé les notions religieuses, mais il a toujours aussi réinventé, réinterprété ces notions. Cette notion religieuse qu'il a implémentée à des conditions qu'il avait, c'était tout à fait nouveau. C'était une sorte d'interprétation où il a parlé dans des phrases religieuses, mais incorporé aussi des contenus comme l'individualisme qu'il obtient à Thoreau et des autres notions qu'il obtient à Tolstoï. Et dans le courant athéiste, ça c'est le dernier mot aussi, quelqu'un comme Tolstoï, qui a même parlé aussi dans des phrases religieuses, il y aussi reconnaît, par exemple, par Kropotkin, comme être dans le cadre de l'anarchisme. Alors, c'est pas complètement... Ça dépend de la notion anticléricale, si ça s'appuie, par exemple, des traditions des hérésies, des critiques de l'institution, de l'Église. On peut aussi entrer dans des courants vastes des anarchismes. Ce n'est pas une condition sine qua non qu'on ait. Ce qui est important pour Gandhi, c'est qu'il ne voulait pas qu'une notion de religion ait une sorte de gouverner, comme les antéchristes. Il voulait un État central gouverné par l'hindouisme. Il voulait une constitution gouvernée par la religion. Et là, il a dit qu'il y avait toujours toutes sortes de religions et toutes sortes de croyances ou non-croyances en Inde. On ne doit pas avoir une constitution comme ça et le règne d'une certaine religion. Bon, ça c'est le plus important que je voulais dire. Anne, tu voulais parler? Non. Quelqu'un veut intervenir? Comme simplement dire qu'il y a une partie courant anarchiste qui s'appelle les anarchistes chrétiens. Oui. Tolstoï. Par rapport à ce qu'a dit Claire tout à l'heure, que c'était nouveau que les anarchistes s'intéressent à l'Inde, il y a une brochure qui a été écrite. Il y avait un groupe qui s'appelait Pensée à Action en Belgique, avec quelqu'un qui s'appelait Ender, qui avait fait un voyage en Inde. Cette brochure, c'est un petit livre qu'on doit avoir ici, où il y a tous les aspects. Enfin, il parle de Gandhi. Et pour en revenir à Vinoba Bhave, dont tu as parlé, effectivement, c'est André Bernard qui me l'a fait découvrir là, il y a quelques mois. Donc je me suis procuré le bouquin, effectivement. On voit dans ce mouvement de reprise des terres, tout ça, l'idée d'autogestion, de mise en communauté, des aspects qui sont profondément anarchistes. Bien sûr, il parle de Dieu toutes les trois pages, et ça c'est quelque chose qui, pour des anarchistes qui ne croient pas en Dieu, on n'a pas d'intérêt. Mais des gens qui vont dans le même sens que la pensée anarchiste, qui veulent l'autogestion, ou même un certain communisme libertaire comme ça pouvait aller, on a forcément des affinités. Et c'est dans ce sens-là, peut-être, que cette conférence a lieu ici, et que c'est pas gênant de parler de quelqu'un qui croit en Dieu sous un drapeau où il y a écrit Dieu le maître, parce que les anarchistes sont des gens très tolérants, qui sont ouverts au dialogue, ils n'ont pas forcément un couteau entre les dents. Et l'époque des attentats, c'est une époque, parce que souvent on pense anarchisme, des bombes partout, mais c'est une période très précise de l'histoire du mouvement anarchiste. Parce qu'en fait, on a une mauvaise idée de l'anarchisme. Ah ben, pour cela, on a plein de livres qui. Mais moi, je le connais, comme j'ai bien dit, je ne veux faire de mal à personne. Mais vous avez eu raison d'intervenir parce pour que. Pour moi, l'idée que j'ai d'anarchie et Gandhi, c'est deux pôles, qui n'ont rien à voir. Et comme Renard. Voilà, je m'intéresse de plus près. Voilà, comme Lou Marin parlait d'une. Oui, Lou Marin a parlé d'une revue qui s'appelle Anarchisme et non-violence, qui a eu un certain nombre de numéros dans les années 60 et 70. Et qu'on peut trouver, il y a un site internet qui reprend les articles. Donc ça, je vous conseille, si vous avez accès à internet, d'aller consulter ça. Et vous verrez que déjà à cette époque, ça fait plus de 40 ans, il y avait déjà des connexions. Enfin, c'est même plus que 40 ans, puisque là, on cite, il a cité le Hollandais qui s'appelle De Ligt, et ça remonte à quand, 1910 Il y en a, ça, je n'ai pas vraiment parlé, parce qu'on fait encore des recherches sur ça, mais dans les années 20-30, il y avait autant des articles dans des journaux anarchistes sur Gandhi, sur le mouvement gandhienne, comment ils sont perçus par le mouvement travailleurs et des syndicalistes aussi. C'est surprenant, c'est pas connu et c'est pour ça qu'on met du travail là-dessus. C'est pour ça que vous pensez qu'à la fin, il était incapable de gérer ce qu'il avait mis en œuvre. C'est parce que justement, il avait ces idées-là. Oui, mais c'est aussi un peu la conséquence de ce qu'il a mis. L'importance ou la plus importante ce qu'il voulait faire dans les années 30, il a eu un changement. Il n'a plus eu l'espoir d'être capable de convaincre le Congrès de ses buts et il voulait bâtir un mouvement plutôt de base, non. Qui n'aboutit pas à la création d'une partie politique. Et ça, ce sont des communautés gandhiennes et son organisation de groupes non violentes. Il se mit là-dessus de développer ça. Et peu à peu, dans les années 30, 40, il a perdu un peu le grip ou l'influence. On a réappelé de mener la campagne Quit India en 1942, mais après, il était un peu mis à côté quand il s'agit de concevoir les structures d'une société d'après la sortie de Britanniques. Il était déjà dans une position faible où il n'a pas assez d'influence par rapport à Nehru qui représentait le mouvement socialiste pour l'industrialisme, pour avoir une notion de société moderne avec un État, avec l'armée et tout ça. Et aussi le courant de par exemple des hindous fondamentalistes. Ils ont eu toujours cette notion d'être très très moderne et c'est pour ça, par exemple, ils ont eu aussi cette politique de la bombe atomique qu'ils ont essayé quand ils ont été en pouvoir dans les années 90. Merci. Alors, vous avez une question sur la victoire. C'est trop poison du nationalisme qui est un. Oui, de renseignements-là. Il n'a pas perdu, il a pas perdu. Je ne pense pas qu'on peut le juger un truc à mourir. Le problème, c'est que les forces qu'il a mis en combat, c'est comme partout, si tu veux, elles sont, comme tu disais, elles sont faibles par rapport à l'organisation étatique et nationale et toutes ces institutions qu'il met en place. Et comment, si tu veux, arriver. C'est sûr que sa stratégie d'affaiblissement, elle est très très intéressante, parce que c'est vraiment. J'ai essayé de faire courir sur pied, mais le problème, c'est chaque fois, c'est à un moment donné, tu perds ta. Il suffit qu'ils soient très peu nombreux, très bien organisés et qu'ils veuillent le pouvoir chaque fois pour que la contradiction elle est apparaît. Et madame, tout à l'heure, vous avez dit un truc qui m'a un peu choqué. Vous disiez que les pauvres n'ont pas de culture parce qu'ils sont pauvres. Ou les sauvages, parce que c'est intéressant, il a parlé de sauvages, il n'a pas parlé de sauvages. Ils ont une autre culture qui n'est pas notre culture occidentale, mais ils ont une culture qui est une culture pour ceux qui sont les plus féministes, ceux qui sont liés à leur environnement et à leur culture. Moi, je dis, je suis un de ceux qui pensent, vu le monde tel qu'il va, vu le développement industriel, tous les règlements que ça entraîne, ils ont une culture que moi, je pense que j'espère qu'elle ne va pas disparaître, parce qu'elle va pouvoir nous être utile très près. Je me souviens exprimé, je voulais dire, les non-scolarisés. Oui, mais l'école. L'école, c'est en fait la société. Là. Ouais. Et donc, en fin de compte, on va prendre le problème à l'envers et dire qu'en fin de compte, la pensée de l'Inde moderne comme de l'Inde anglaise, ça va dans le même sens que le progrès actuel. C'est-à-dire la situation dans laquelle on est, mais qu'en fin de compte, le dernier avait raison, et que les traditions culturelles les plus non scolarisées sont peut-être les bonnes, puisque nous on va dans un mur, alors que eux, ça pouvait durer indéfiniment. C'est pour ça que je m'intéresse aussi aux Bushmen, mais Bushmen ils sont exactement comme ça. Oui, mais eux ils sont écrabouillés. Tout à fait. Il y a un état dans le monde. Mais je sais bien. On est sur du vol. Non, c'est. Non, mais je me suis mal. C'était pas ma pensée. Je parlais de la scolarisation. Les sociétés entre guillemets dites primitives souvent étaient des sociétés sans état, donc ça on rejoint aussi les idées anarchistes. Bon, il y a un ethnologue qui est disparu prématurément qui s'appelle Pierre Kellastre, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle La société sans état aussi, et qui montre ces sociétés où il n'y avait pas de chef, ou même au Mexique, là on dit il suffit de lire même des romans de Travel, on voit que le chef avait un rôle symbolique. Et là, c'est aussi des problématiques qui nous intéressent en tant qu'anarchistes. Si vous permettez, peut-être je peux conclure avec une chose qui montre que c'est aussi, ce ne sont pas vraiment des gens sauvages, ils ont été nommés par l'idéologie coloniale d'être sauvages. Ce qui est aussi nécessaire, ce que dit Ashish Nandi, pour un colonialisme, c'est de se bâtir une idéologie, d'avoir une tâche à faire, d'avoir une mission de civiliser. Si on ne peut pas se rendre compte d'avoir des bons côtés de colonialisme, cette idéologie d'avoir une tâche de civiliser à faire, ça donne de bonne conscience. Et il dit, le colonialisme officiel politique de Grande-Bretagne en Inde était mort ou était à sa fin à ce moment où il y a un mouvement à l'encontre de cette mission civilisatrice. Quand il y a un mouvement des masses, des millions, par exemple dans la marche de sel, ou rester non-violente d'une manière éthique et morale, où l'idéologie britannique des colonisateurs dit que sont des sauvages, alors qu'ils restent dans un niveau éthique plus supérieur que les exigences de colonisateurs, il dit que cette tâche, cette mission civilisatrice n'aboutit à rien. Il est contrarié. Et ça, c'est la fin pratique du colonialisme, c'est ce qu'il a dit. Et peut-être vous pouvez me permettre, en conclusion de ça, de lire encore une page qui est très très drôle sur cette marche de sel, parce qu'il montre bien que les journalistes anglais qui ont écrit sur cette marche de sel, ils n'ont rien compris, parce que c'était un rythme complètement, on peut dire, à contraire, c'est ce qu'ils ont attendu. C'est pas un rythme de productivité, c'est un rythme à leur propre pas. On en saurait trouver meilleur exemple que celui de mélange comique et absurde de folklorique et de canonique dans le style politique de Gandhi et du mélange hypocrite de protestation efficace et de minimalisme dans la protestation chez cet homme qu'on a souvent comparé à Charlie Chaplin, sans mettre dans la comparaison le sérieux souhaité. Le général Jan Smuts, premier ministre d'Afrique du Sud, l'un de ses ennemis les plus déterminés de Gandhi, tout en étant aussi un de ses amis les plus admiratifs, reconnu dans le vouloir le pouvoir, sans le vouloir le pouvoir de ce mélange, en commentant le départ de Gandhi sur un ton exaspéré et épuisé. Citation. Le saint homme a quitté nos rives et, je l'espère sincèrement, pour le bon. Citation fin. Voici encore la description de la marche du sel par Richard Lenoy, reconstituée sur la base des nombreuses coupures de journaux. Elle permet de comprendre, du moins je l'espère, l'exaspération de Smuts et de ses fils spirituels d'un monde moderne vis-à-vis d'un homme et d'une méthode rejetant non seulement le Kshatriya, alors les valeurs de Kshatriya, mais aussi, il semble bien le Brahmate, ça veut dire les valeurs des Brahmans, le premier caste. Alors, ces coupures de presse, l'anglais sur la marche de sel. La marche du sel parvient à ses fins au travers d'incidents hautement tragicomiques. Gandhi marche pendant 24 jours depuis son ashram d'Ahmadabad jusqu'à Dandi. À 241 milles de distance, à bord de la mer, pour recueillir là-bas le sel et défier ainsi les lois sur le sel imposées par le Raj aux paysans indiens avec les effets ravageurs qu'on sait. Après avoir défié les lois, il se retire de l'action. Derrière la marche du sel, il y a des années de patiente préparation, de formation des satyagrahis, ce sont des meneurs de l'action non violente directe, qui apprennent comment obtenir la force par la parfaite faiblesse, ou si l'on préfère, comment ne rien faire. Sous un climat tropical, le sel est un aliment de base. Gandhi avait déjà renoncé à en consommer depuis 6 ans. Ça veut dire qu'il a fait des expériences, des diètes sans sel. Il annonce à l'avance son intention de défendre la loi lui-même dans une lettre à son cher ami, le vice-roi de l'Inde, Lord Irvine. L'image de Gandhi déambulant en pagne sur la plage avec une petite bande de 68 militants occupés à prendre une pincée de sel donne une impression trompeuse d'anachronisme même en 1930. La marche devait durer assez longtemps pour que l'Inde et le monde ne puissent détacher leur regard de la frêle silhouette d'un vieil homme de 61 ans écrasé par le soleil impitoyable de mars. La marche du sel fut son entrée royale dans le monde du film d'actualité et du documentaire. Depuis, nous l'avons vu quantité de fois, bref aperçu en noir et blanc, de sa silhouette agile, mobile, qui rappelait parfois le temps d'un flash illuminant, celle de Charlie Chaplin. Et cependant que Gandhi marchait derrière lui, l'administration s'effondrait silencieusement avec la démission de 390 chefs de village. Et voilà, Gandhi, entouré de ses amis qui marchaient, avançait dans une sorte de suspense effrayant. On n'entendait pas de plaisanterie, aucun cri de joie. Il n'y avait là rien de la dignité d'une procession. Tout était au contraire plutôt farcesque d'une certaine façon. Et j'étais là, voyant l'histoire se faire à l'opposé du drame, quelque chose de complètement non européen et pourtant très très émouvant. Quand ils atteignirent Dandi, ils installèrent leur camp pour 7 jours, se nourrissant de graines séchées, agrémentées d'une demi-once de matière grasse et 2 onces de sucre par jour. Le 6 avril, Gandhi se leva à l'aube, prit son bain dans la mer et se mit en route vers l'endroit où le sel se déposait naturellement. Devant les photographes aux aguettes, il recueillit une bonne pincée de sel et l'attendit à une personne qui se tenait à ses côtés. Sarojini Naidu s'écria « Salut à toi qui nous a délivrés !» Et puis il retourna à ses occupations. Sarojini Naidu, c'était une activiste, une militante du mouvement des femmes qui était aussi à lieu. La nouvelle fit instantanément le tour du monde et en l'espace de quelques jours, l'Inde était en ébullition. Des millions de personnes préparaient du sel dans tous les coins du pays. Des vastes manifestations avaient lieu dans toutes les grandes villes de Karachi à Madras. Des femmes voilées ralliaient les manifestations dans les rues. Comme un automate, l'administration britannique réagit avec une violence aveugle et incohérente. L'armée et la police avançaient comme hypnotisées en une réaction qui avait perdu toute signification. Les Indiens furent battus, roués de coups de pied dans le ventre, mordus aux doigts. La police vindicative leur tira dessus. La cavalerie chargea aussi jusqu'à ce qu'ils se couchent par terre au pied de chevaux. Entre 60 000 et 100 000 résistants non-violents se retrouvèrent en prison. À part un léger incident à Chittagong au Bengale, aucun Indien ne frappa le moindre coup. Gandhi fut arrêté après minuit alors qu'il dormait sous un arbre au Compermant près de Dandi et envoyé en prison. À sa libération, 8 mois plus tard, il conclut le pacte Gandhi-Arline, à la suite duquel le gouvernement renonça aux mesures de répression et libéra les prisonniers politiques. Ce fut l'une des rares occasions où Nehru pleura. Louis Fischer, c'est un journaliste, conclut cette description de la marche du sel sur le commentaire incisif. L'Inde était désormais libre, techniquement, légalement, rien n'avait changé. Sur un certain plan, l'ANUA a vraiment saisi l'esprit de la politique créative en Inde, dans son style saccadé de marche, arrêt, marche. Citation, il y a toujours quelque chose qui va de travers dans le satyagraha, comme dans les mythes. Pourtant, on ne peut s'empêcher de convenir que finalement, le satyagraha gandhien est particulièrement bien adapté pour transformer le revers en ce que Simmer, c'est un indologue, désigne comme un miraculeux développement évoluant par saccade de crise en crise. Simmer a du bruit, ce piétinement familier dans les mythes des Puranas, ce sont des écrits saints, à une intelligence intuitive de la nature essentielle des forces en lutte. Dans certaines conditions indiennes, cette passivité, entre guillemets, est probablement plus efficace. Pour conclure, laissons la parole.